bien sûr, on peut bien faire semblant de n'avoir pas connu cet homme blanc comme l'hiver qu'on vient de croiser dans la rue. Ce bord de mer est si petit qu'il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il était jadis un homme beau comme la mer. Un homme beau comme la mer. On peut bien sûr, on peut bien taire tous les souvenirs qui se ruent avec des larmes aux paupières à l'assaut des années perdues. Je me souviens que j'ai connu un amour d'ombre et de lumière. Je ne l'avais jamais revu, ni la maison devant la mer, ni la maison devant la mer. On peut bien sûr, on peut bien dire que tout passe avec les années. J'ai cru voir le temps d'un sourire, tant de bouquets de fleurs fanées, tant d'amour d'oiseaux, de patience aux yeux de l'homme sans colère. Quand il m'a salué en silence, comme saluent les gens de mer, comme saluent les gens de mer. On peut bien sûr, on peut bien rire de ce qui nous a fait pleurer. On ne crache pas sur le pire quand le meilleur nous fut donné. J'ai cru que j'allais en mourir quand je l'ai vu se retourner et s'en retourner sans rien dire dans la maison devant la mer. Dans la maison devant la mer où les oiseaux ne sont que l'âme de la mer, où les oiseaux ne sont que l'âme.